Faire des tours, hors les tours, un peu tard vers les tours, vers les tours, vers les tours, 100% les contours, vers les tours, peut-être un peu d'amour, vers les tours, un peu tard vers les tours, que dire des beaux jours, vers les tours, toi douce comme du velours, vers les tours. Personne ne sera plus jamais à faire des tours, faire des tours, en bas des tours, t'écraser, en bas des tours, je pourrais enfin me marrer, faire des tours, d'être libéré, en faire des tours, faire des tours, en bas des tours, en bas des tours, de toi, de toi solitude qui emprisonne, faire des tours dans les tours ailleurs que dans